Bienvenue tout le monde sur La POC. JB Gagné, ton animateur, et avec moi cette semaine pour parler de son club, de ses chouchous, de ses amours, nous avons Marc Penneau. Salut JB, un plaisir d'être avec toi ce soir. Yes, content de t'avoir. Et tu seras accompagné cette semaine par ton backup, goalie, ton chat qui va miauler une fois de temps en temps. Ouais, il semblerait qu'il fait des siennes maintenant qu'on a décidé de se lancer en onde. Ça allait super bien. On a fait les tests. Pas un son. Ça. Là, il recommence. Ben, il a dit, là, on est en onde. Moi, je veux jaser des docks. It's time to shine. Voilà. Donc, on va juste... donc, on avertit les gens. Là, il y a un chat dans la pièce. Puis, c'est pas dans nos habitudes d'avoir un invité félin. Mais là, regarde, il s'impose dans la discussion. S'il passe en avant de tout, sax une claque. Mais c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Non, là, il est assis. Il semblerait très relax. Bon. Donc, comme ça. Il observe le jeu de loin. Ouais. Cette semaine, Marc, tu es avec moi pour parler de ton club, les Ducks d'Anaheim. Et un petit peu comme je le fais à chaque fois qu'on fait un show spécial de la POC sur un autre club que le Canadien de Montréal, j'invite mon partenaire pour le show, notre invité, à parler de où vient cet amour-là de ce club différent que le Canadien. Parce qu'au Québec, c'est comme normal le Canadien, mais d'avoir des amateurs des autres clubs, c'est un peu différent, ça sort des normes. Donc, ça vient de où ton amour des Ducks? Il faut dire qu'on est hors de la marge quand on ne comprend pas pour le Canadien ici au Québec. Ouais. Moi, ça date, je te dirais, il y a à peu près 10 ans. Et la raison, elle est très simple. Ben, ça serait tellement incroyable que ce soit ça, mon histoire. Mais malheureusement, c'est tout simple. C'est... à la limite ridicule, là, moi, c'est Ryan Getzlaff. Okay. C'est mon joueur préféré depuis qu'il est entré dans la Ligue nationale. Je suis tombé en amour là, avec ce joueur-là. Et c'est tout simplement par sa façon de jouer au hockey. Je ne sais pas, c'est mon style de joueur de hockey. La façon qu'il s'implique dans le match toujours et puis qu'il trouve toujours le moyen de changer les choses, même quand il n'est pas nécessairement sur la feuille de pointage. Donc, pour moi, Ryan Getzlaff, ça a été la porte d'entrée. Et puis, on va discuter là, pendant la POC. Là, puis, tu vas découvrir que il y a quelques gars dans cette équipe-là que j'ai une relation amour-haine avec eux. J'aime ça. Un gars qui n'est pas un partisan aveugle, j'aime ça. Il en manque à Montréal de ce genre-là. Ouais, ben, c'est ça. Là. Moi, j'ai toujours. Avant d'être un partisan des Ducks, j'aimerais ça souligner à tes auditeurs que je suis vraiment un amateur de hockey, j'en mange. Écoute, j'écoute beaucoup de hockey. Là. Il y a des gens qui eux autres écoutaient une partie des Hurricanes contre les Blue Jackets, ça leur plaît pas. Moi, je m'assois et j'écoute la partie au complet. C'est mon genre de truc, mais les Ducks, c'est vraiment... Ça a commencé avec Getzlaff. Ensuite, ça a continué avec Perry. Et puis maintenant, c'est Hampus Lindholm, c'est tous ces gars-là. John Gibson, qui est un excellent gardien. C'est tout ça là, qui fait que je suis un amateur des Ducks. Mm-hmm. Mais là, écoute, on va y revenir là, sur Perry, puis Getzlaff, puis toutes ces gloires-là des Ducks, parce que... J'ai des critiques à faire, puis ça va impliquer ton préféré. Je m'excuse, là. C'est correct. T'es prévenu d'avance, là, mais on va rentrer dans le tas. Les Ducks, pour moi, il y a une question de gestion un peu semblable à ce qu'on pourrait lancer comme critique envers les Blackhawks de Chicago. On y reviendra un petit peu plus tard. Au moment d'enregistrer, on est le 5 avril 2018, et hier, grâce à un but de Andrej Kase, les Ducks d'Anaheim ont clinch en playoff, ont grimpé en playoff, se sont qualifiés. Alors, avant-dernier match, si je ne me trompe pas. Écoute, je voulais introduire avec ça. On est allé ailleurs finalement, puis c'est correct. Là. Mais je suis très, très, très heureux que les Ducks aient confirmé leur place en série parce que pour eux, je pense que n'importe quel résultat autre qu'être en série aurait été un échec total. Je pense que là-dessus, tu vas me rejoindre, là. Manquer les séries de 2 points, là, c'est pas une option dans la Ligue nationale aujourd'hui. C'est la pire affaire qui peut arriver. Pire chose qui peut arriver à ton équipe. je pense que de ce côté-là, justement, les amateurs du Canadien qui t'écoutent vont quand même être contents. Je pense que le Canadien a fait une bonne job de ce côté-là, de comme niveler vers le bas. C'est correct pour cette année. On va prendre la parenthèse pour envoyer chier encore une fois Niemi. Va chier, Niemi, t'es trop bon. Ben, si Niemi avait pas été aussi bon, les odds aujourd'hui seraient meilleurs. Non, mais t'imagines-tu, là? Là, okay, l'aparté est trop beau, là. On prend une parenthèse, puis de toute façon, je suis un amateur de hockey, là, JB, tu me connais assez bien. OK, parenthèse, OK, je continue là-dessus, là. Tu sais, Niemi, là, l'an prochain, s'il est là, il y a un problème avec l'organisation. On s'entend, ça veut dire qu'on n'est pas mieux positionné qu'on l'est cette année. Et en plus, avec les victoires qu'il a générées, Niemi peut avoir coûté au Canadien de Montréal Rasmus Dahlin. Dans 15 ans, Rasmus Dahlin va être encore un défenseur dominant dans la Ligue nationale et Niemi va être dans nos plus obscurs et lointains et oubliables souvenirs. Ben, écoute, pourtant, on lui donne du temps de jeu. Mettez-moi Lindgren qui se fasse débattir. Mettez-moi Price qui goal comme un tout croche, mais pas Niemi, c'est un bâtard de Saint-Ciel. Ouais, non, j'aurais tendance à te suivre là-dessus. Puis pour ce qui est de Price, ben là, on s'éloigne. Là. Moi, j'aurais toutes sortes d'explications à te donner. Toutes sortes Mais le show n'est pas sur le Canadien, fait que fuck off. Le show n'est pas sur le Canadien. Le show est sur une équipe qui fait les séries éliminatoires depuis hier. Ouais. Puis, d'ailleurs, tu me parles d'un très drôle de timing. Moi, je viens toujours de recevoir mon chandail de capitaine de Getzlaff. Donc, le timing est très bon. Yes. Comment ça, t'as commandé ça spécialement pour une occasion célébrée ou... Non, pour les séries, moi, okay. Je voyais. Les séries, moi, je savais que c'était une question de temps cette année à cause de tout ce qui s'est passé avec les Ducks cette année, c'est-à-dire Kessler qui est revenu à la mi-saison. Kessler qui est d'ailleurs une bête d'entraînement puis qui n'a pas pu avoir son été habituel, mettons. Mm-hmm. Je pense que Kessler, c'est un gars qui brille quand il est au top de sa forme, et il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est un gars qui joue un style qui est énormément taxant. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là là, qu'on ne voit pas les Ducks, je pense, à leur plein potentiel actuellement. Je pense que Kessler, c'est un gars qui occupe un rôle de deuxième centre très solide quand il est en forme. Mais là, malheureusement, je pense qu'on n'a pas affaire au vrai Ryan Kessler, et c'est ce qui pourrait... probablement faire que les Ducks pourraient avoir un court printemps. Ben, m'a t'amené à la question, là. Est-ce qu'on voit pas le vrai Kessler ou on voit le vrai Kessler en ce moment? Je pense qu'on ne voit pas le vrai Kessler. Parce qu'il est quand même rendu à 33 ans. Dans ses saisons précédentes, déjà, on sent la diminution de performance. Oui. Les blessures se font de plus en plus présentes dans le cas de Ryan Kessler. Et quand je te disais, là, j'ai des critiques à faire envers les décisions qui ont été faites de cette organisation. Je t'écoute. Ben, il est l'un des cas symptomatiques de que bien des dirigeants tombent dans le panneau d'offrir des contrats trop lourds et trop longs à des joueurs vétérans. Passé 30 ans aujourd'hui dans la Ligue nationale, tu es sur le déclin et ça peut se passer très très vite. Ryan Kessler a 33 ans, cette saison en 42 matchs, 13 points. Il est sous contrat pour encore une éternité. On parle de 4 autres saisons après celle-ci, à une moyenne salariale de 6,8 millions. Son contrat va l'amener à 37 ans. Oui, c'est justement là que je t'amènerais peut-être sur la préparation physique de Ryan Kessler, qui a toujours été un gars, je sais qu'on l'aime, on le déteste, la plupart des gens le détestent en fait. Ryan Kessler, c'est un gars qui a besoin de sa préparation physique et il a été privé de ça cet été par le fait qu'il ne s'est pas entraîné comme la bête d'entraînement qu'il est. Poursuivre les activités des Ducks de très près depuis tout près de 10 ans, là. Honnêtement, j'ai jamais vu Ryan Kessler jouer de cette façon-là. Il joue pas comme lui-même en ce moment. Puis moi, je suis plus ou moins d'accord avec cette théorie-là qu'à 33 ans, c'est terminé. Moi, je pense au contraire qu'à 33 ans, un gars qui fait attention à son conditionnement physique comme Ryan Kesler peut aisément rallonger sa carrière. Puis, il y en a des exemples. C'est sûr que je les ai pas tous devant moi, mais prenons, admettons, un Matt Cullen qui a toujours été utile à ses équipes. Puis, bon, je comprends qu'il ne gagnait pas 6,75. Ben, c'est ça, c'est la conjoncture salaire plus âge qui est problématique. Et le noyau salarial de cette formation-là a 32-33 ans. Getzlaf et Perry font tous plus que 8 millions de dollars. T'as Kessler qui en fait presque 7. T'as une grosse partie de ta masse salariale qui est coincé avec ces joueurs-là. Kesler et Perry restent 3 ans. C'est un peu plus court et heureusement, Kesler reste 4 ans à son contrat. Cette formation-là, là, si cette année ne faisait pas les séries, déjà, là, on est en train de pogner un mur, que ben, les Hawks sont en train de pogner, qu'on a donné des contrats trop longs à ces joueurs-là, surpayés par rapport à ce qu'ils peuvent vraiment offrir. Cette saison-là, déjà, la formation est en train d'être leadée par ses plus jeunes joueurs. Je parlais de Case tantôt, 38 points en 64 matchs, un très, très jeune joueur. Je pense qu'il y a 20 ans cette année. Il y a 22 ans, 22 si je ne me trompe pas, ou 23. André Kachá, c'est ce qu'on appelle un late bloomer. Si ouais. Permettez-moi le très mauvais anglicisme. c'est un gars qui a popé sous le tard, on va dire ça, ouais. En mauvais français de même. Là. Mais c'est un choix de 7e ronde. Ouais. C'est un gars extrêmement talentueux, ça lui sort par les oreilles. Par contre, moi, JB, où je vais t'amener, là, toutes les équipes de la Ligue nationale ont des mauvais contrats. Il y en a très peu qui n'en ont pas. Puis ceux qui n'en ont pas, c'est parce qu'ils ont des génies de la masse salariale dans leur organigramme. Là. OK. Je comprends ton point. Je pense que les Ducks, justement, là où est leur qualité, c'est qu'à toutes les années, il y a des joueurs qui entrent dans la formation et qui ne coûtent pratiquement rien à l'équipe. C'est ce qui les sauve. Ça, là-dessus, on est d'accord. Et c'est ça. Puis, je pense que le contrat de Kesler, cette année, ça paraît mal. Mais donnez-lui un été complet pour se préparer. Et je suis convaincu que ce gars-là va revenir en force. Je dis pas que ça va devenir un centre de premier trio. Là. Ça n'a jamais été ça, Ryan Kesler, de toute façon. Mais regardez le nombre de centres numéro 2 qui sont payés le prix que lui est payé. Moi, je pense que Ryan Kesler a encore du hockey de centre numéro 2 dans la Ligue nationale à donner. Et ça, je pense que personne ne peut me l'enlever à cause d'une saison. Une saison où il n'y a pas eu la préparation habituelle. Ben, on aura à nouveau, regarde, t'es déjà invité l'an prochain. On refait un show sur les Ducks, puis on va voir l'évolution de la patente puis de la situation, particulièrement chez Kesler. Mais au-delà de Kesler, parce que c'est sur lui qu'on est tombé en premier, mais ouais. Je partais pour mentionner un peu là, les pointeurs chez les Ducks. Le premier pointeur à 66 points, c'est Reichel, qui a 24 ans. Ça, c'est cool. Ouais. Ensuite, on tombe à Getzlaf, qui est à plus d'un point par match, mais il en a joué seulement 54. Ouais. Des matchs, il a 58 points. Corey Perry. Mais je veux pas t'arrêter, justement. Justement, je déteste arrêter les gens. Là. Je m'excuse pour ça. Et t'arrêtes pas de le faire! non, vas-y, vas-y. Mais je me permets de le faire là, pour te souligner que, justement, Rickard Rakell, c'est un exemple de bonne gestion de contrat. Et je pense que c'est justement le genre de contrat qui te permet peut-être de commettre des impairs au niveau des contrats. Tu comprends? Oui. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le système dans la Ligue nationale ne va commettre aucun impair au niveau des contrats. Ça, là, tu pourrais me le dire pendant une heure que bon, un tel GM n'a pas commis d'erreur au niveau de sa masse salariale. Je te croirais pas. Je pense que tous les GM de la Ligue nationale actuellement commettent des erreurs sur leur masse salariale. Il y en a qui en font plus que d'autres, puis je pense qu'on est assez intelligent pour s'en rendre compte. Mm-hmm. Mais je pense que les Ducks, c'est pas les pires dans la Ligue nationale. Non, ben, je dis pas que c'est les pires, mais là, on parle des Ducks, donc on expose cette situation-là. Troisième pointeur, 47 points, c'est Perry en 69 matchs. Et comme je te disais, là, Getzlaf et Perry sont à plus de 8 millions. Adressons le point là, des gestionnaires et des mauvais contrats. Oui. Les gars, les 31 DG dans la Ligue nationale sont censés être l'élite de leur domaine. Puis oui. Leur domaine, c'est de censer évaluer le talent au hockey puis de donner des contrats en conséquence de ça. Tu me dis que chaque équipe, ou du moins la plupart, puis mettons 80%, ont toutes des mauvais contrats. C'est-tu moi où il y a un problème là-dedans? Oui, dans le fait que, hey, tu couperas la sonnerie de ton téléphone, s'il te plaît. Oui, c'est réglé. OK, c'est bon. Donc, comment ça se fait que l'élite se fait coincer là-dedans? Moi, c'est là que je soulève le point. Sont-tu si tant des élites que ça s'ils se font toutes pognées à faire les mêmes erreurs? Ben moi, j'ai toujours dit qu'on s'en allait vers un autre lockout. Et puis, je suis malheureusement pas très populaire là, quand je partage cette opinion-là. Mais je pense qu'on s'en va vers un autre lockout. Et puis, je pense que cet été, ça va être ce qui va faire exploser les salaires. Je pense qu'on n'a rien vu encore. C'est ça le point que je veux t'amener ce soir. Ah oui, là, tout à fait. On s'entend. Mais je pense qu'on s'en va vers un autre lockout tranquillement, mais sûrement. Puis je pense que le contrat de John Tavares va être déterminant pour la Ligue nationale parce que je pense que c'est lui qui va faire sauter la banque cet été. Mm-hmm. Je pense que c'est lui qui va établir le nouveau standard pour un joueur de concession. Puis moi, bon, je reviens encore aux Canadiens. Malheureusement, c'est mes vieux plis d'il y a 10 ans. Mais moi, on me parle de Stachny et Tavares à Montréal. Je suis désolé, mais je ne crois pas à ça. Non, j'y crois pas non plus. Tu parles de l'explosion des salaires. Là. Il y a plusieurs joueurs vedettes de la Ligue nationale qui ont prévu la patente hein, parce que lors de l'entre-saison 2020-2021 et 2021-2022, c'est là où est-ce qu'il y a les options pour la réouverture de la convention collective. Tu as une première option de réouverture en l'été 2020 et tu as une deuxième possibilité d'ouverture à l'été 2022. En fait, à 2022, c'est la fin de la convention collective. Et si vous êtes intéressé, là, faites le tour. La plupart des joueurs vedettes de la Ligue nationale se sont négociés des clauses dans leur contrat que ces années-là, les salaires, c'est sur les signatures. C'est des bonus de signature que les salaires sont remis à ce moment-là. Incluons l'exemple le plus connu étant Carey Price. Oui, en fait, puis le plus flagrant, c'est Ryan O'Reilly, là, qui a 1 million de dollars en salaire annuel. C'est le reste de son 7 millions en contrat, c'est 6 en bonus de signature. Ça fait que le 1er juillet, dès que tu passes cette date-là, le paiement est fait. Donc, même si la saison est annulée, le 1er juillet, tu vas le passer. Fait que c'est pas en nombre de matchs que tu joues. Dans le cas de Carey Price, on parle de 13 millions en bonus de signature pour ses deux premières années, donc 2018-19-20. Puis après ça, la saison 2021-22, tu as un autre 11 millions en bonus de signature. Et dans le fond, le salaire de base de Carey Price, là, réel, là, c'est 2 millions par saison, à part les saisons 2020-21 et 22-23, où est-ce que c'est 1 million. Le reste, c'est tout en bonus de signature. Donc, les joueurs se padent en vue d'un futur conflit. Je pense que c'est là qu'on s'en va, JB, puis je pense que tu es assez intelligent pour te rendre compte. Là. Oui, je suis assez intelligent. OK. Non. Je suis dans tes non, je te connais depuis plusieurs années, puis je sais que tu vois ça aussi, là. Mais là, c'est ça. Revenons aux Ducks. Là. Ouais. Parce que le point que j'amenais, c'est que ce que je comprends mal, c'est d'avoir des gens qui sont censés être l'élite et qu'on les met dans ces positions-là avec le contrôle. Avec, écoute, les gars, ils gèrent une masse salariale de 75 millions de dollars par année. Là. C'est pas des peanuts. Et on donne ça, on met ça entre les mains de gars qui ont joué la game parce que c'est comme ça. Puis on se donne des jobs en nous autres au lieu d'y aller avec nécessairement les compétences. Et je pense que les équipes qui s'en sortent le mieux, tu sais, le fameux 20% là, qu'on disait qu'il y avait moins de mauvais contrats, c'est probablement les équipes où est-ce que la gestion des contrats est donnée à des gens qui ne sont pas des anciens de la Ligue nationale, mais des gens qui ont bel et bien des formations dans le domaine économique. Je pense entre autres au Lightning de Tampa Bay, où est-ce que la structure salariale est écœurante. Qui gère les contrats? C'est pas Steve Yzerman, c'est Julien Brisebois, qui est un spécialiste de la convention collective. Donc, les équipes qui s'en sortent le mieux, je pense, à long terme, sont celles qui tombent pas dans ce panneau-là. Le deuxième panneau, c'est de gérer ta formation. Ça, c'est mon impression. De gérer ta formation en conséquence de ce que les amateurs vont penser. Il y a, oui, ben, il y a deux ans... On vit quand même là ici. Oui, ben, il y a deux ans, là, je prends la situation des Ducks. Est-ce que les partisans auraient accepté que les Ducks transigent pour Getzlaf et Perry? Absolument pas. Voilà. Mais justement, j'attendais que tu m'amènes à ces deux joueurs-là. On parlait tantôt de relation amour-haine. Oui. Moi, ma plus grosse relation amour-haine dans le monde du hockey, cette personne-là, c'est Corey Perry. Il est tellement détestable. Mais je suis obligé de dire que les Ducks d'Anaheim ne seraient pas en série si Corey Perry n'avait pas été là pour allumer le feu. Parce que pour avoir écouté pas mal de matchs des Ducks, là, quand tu es un fan, tu en écoutes, là, veux pas. Là. Et puis, j'ai été vraiment subjugué par Perry. Puis moi, je pensais pas pouvoir être encore impressionné par ce gars-là. Je pensais qu'il m'avait pas mal donné tout ce qu'il avait à donner. Je pensais pas qu'il en restait dans le réservoir. Puis j'ai été agréablement surpris de me rendre compte qu'il restait encore pas mal de choses dans ce gars-là. Puis je pense que si les Ducks connaissent un beau printemps, il va avoir son mot à dire. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. C'est même pas sur le talent ou les performances du gars, parce que je pense que rendu là, Corey Perry, ça va plus être une question de flash. Là. Elle va être en mesure, sur certaines séquences, d'offrir des performances éclatantes, mais plus au même ratio qu'il était capable de le faire dans ses plus jeunes années. Puis je pense que ça va être la même chose pour Getzlaf. C'est la même chose pour pas mal tous les joueurs en vieillissant. C'est que l'école-là est encore là, il fait juste chaîner moins régulièrement. Une ligue de jeunes, hein, qu'on le veuille ou non. Oui. Je pense que c'est rendu une ligue de jeunes. Par contre, je pense que les Ducks ont fait un boulot admirable. Sans finir dans les derniers, là, dans la Ligue nationale, ils ont réussi à quand même se garnir d'espoir de qualité. Je suis obligé de le souligner parce que je sais que toi et moi, on a quelque chose qu'on partage pas. Moi, je pense pas que le tanking... j'essaie de trouver le terme français, JB, si tu peux m'aider. Ben, en fait, ça serait une reconstruction ou ben, en français. Ben, une reconstruction, mais en finissant comme dernier, là, moi, je crois pas à ça. Oui, ben, puis c'est correct, là, on a le droit à nos visions différentes, mais regarde qui a gagné les Coupes Stanley les dernières, là, dans les 10 dernières années. Ouais. Et 9 fois sur 10, c'est des équipes qui ont passé par la case tankage. Ben en fait, même pas tankage, parce que tankage, c'est une philosophie qui est encore une coche plus loin que ça et en laquelle je crois. Une reconstruction de finir dans la cave de manière indésirée, là, involontaire, comme exemple, les Blackhawks de Chicago étaient juste mauvais, là. Puis ils ont été mauvais pendant longtemps. Les Oilers d'Edmonton sont juste mauvais depuis assez longtemps pour avoir fini par ramasser du talent par le repêchage. Moi, le tankage, le plus bel exemple, puis je pense que c'est pas mal le seul qu'il y a dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est les Maple Leafs de Toronto. Une équipe qui vivotait sur les séries une année sur deux, une année sur trois, à l'image du Canadien de Montréal, et qui volontairement a fait comme « bon ». Là, on est tanné de juste vivoter, visons vraiment les succès et passons par la case bas de classement, 2-3 années et remontons. Et c'est la seule formation qui le fait de manière volontaire. Et il l'avait annoncé publiquement. Il y a les Sabres de Buffalo, leur ancien DG, avait annoncé ça et les propriétaires se sont tannés et l'ont liquidé. Et d'ailleurs, la formation, les plus beaux éléments qu'il y a dans le club en ce moment proviennent de l'ancienne garde du DG. Et après ça, ben merci, bonsoir, c'était terminé. Fait que voilà. Écoute, ben moi je suis entièrement, soit dit en passant, d'accord avec ce que tu viens de dire. Y a pas, de toute façon, ce serait impossible pour moi d'arriver à un point où ce que je peux dire non, c'est pas vrai ce que tu viens de dire, de toute façon. Mais je pense que les Ducks d'Anaheim ont fait quelque chose que d'autres formations n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire rester compétitif en ne perdant pas nécessairement. Et c'est là que je pense que toute l'équipe qui s'occupe du repêchage au niveau des Ducks, là, moi, je les admire au plus haut point parce qu'ils il trouve des éléments où d'autres DG dans la Ligue nationale ne trouvent pas. Et puis, je pense que c'est un modèle aussi qui appartient au Lightning de Tampa Bay actuellement. On trouve des joueurs où les autres équipes ne semblent pas en trouver. Puis ça arrive souvent. Donc, moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je pense que c'est là que les Ducks font bien. Puis c'est là que les Ducks, quand même, à part cette année, on avait 4 ans de suite à gagner la division. Je pense que ça veut dire quelque chose. Ben, cette année, ça a été short, et puis je pense que je vais me permettre d'expliquer à des auditeurs qui sont peut-être moins des fans des Ducks que moi. Ben, il y a eu des blessures, entre autres, là, cette saison-là. Énormément un facteur dans cette saison-là des Ducks. Traitez-moi de chauvin si vous le voulez, là. Aucun problème avec ça. Mais je pense que les Ducks se battraient avec les Golden Knights de Vegas pour le titre de la division. Si ça n'avait pas été des blessures. Et puis, écoute, là-dessus, je laisse droit à n'importe qui d'interpréter. Là. Par contre, moi, je pense que cette équipe-là a encore tout ce qu'il faut. Il y a quelques éléments en moins, mais ils ont toujours réussi à les remplacer à l'interne. Puis, j'ai aucun doute. Là. Écoute, JB, tu peux faire le tour de cette formation-là. Puis, je pense que tu vas voir beaucoup de gars qui viennent du système des Ducks d'Anaheim. Puis ça, c'est une chose que bien des équipes ont encore beaucoup de misère à accomplir. Ouais. Oh oui, non, là-dessus, malgré ça, là, oui, dans les dernières années, c'était... Il y a eu un flot constant de prospects qui sont venus gonfler les rangs de l'organisation puis combler les manques. Par contre, je lisais là, en préparation du show sur le site de hockeywriters.com le classement là, des équipes pour les banques de prospects et eux classent les Ducks d'Anaheim 26e. Dans les bons prospects, là, il y a Sam Steele, un petit attaquant mais hyper productif dans la WHL. Et il y a Jacob Larson qui sont pas mal les deux derniers gros prospects qui restent dans le pipeline. Le reste est déjà pas mal rendu avec le gros club en ce moment, là, selon leur évaluation. Ils sont entrés. Je pense que t'enlèves les vétérans qui sont assez âgés actuellement. Je pense que les Ducks, c'est quand même une équipe jeune. Dans le sens où les gars qui sont dominants, si t'enlèves Getzlaff et Perry. C'est des gars relativement jeunes. Et puis ça, je pense pas que c'est toutes les formations qui ont une relève comme celle-là. Là. Non, c'est ça. Et particulièrement en défensive, les Ducks sont très, très bien nantis. Le gardien de but est jeune. La défensive est jeune. Reichel a 24 ans. Ce qui m'amène, tu sais, encore plus à critiquer les contrats à Getzlaff, Perry et Kessler qui vont venir menotter la formation. Si on avait échangé ces gars-là contre des plus jeunes, on aurait peut-être pu maintenir les performances de haut niveau des Ducks pendant plus longtemps. Je pense qu'ils vont, cette année, de peine et de misère, on fait les séries et que ça ira peut-être en descendant en raison de ce noyau-là vieillissant qui vient gober une grosse partie de la masse salariale de l'organisation tout en offrant des performances en deçà de, tu sais, le ratio performance-salaire ne sera pas à l'avantage du club en ce moment-là. Exactement. Je pense qu'encore une fois, je ne peux pas vraiment aller à l'encontre de ce que tu dis. Là. Je pense vraiment que cette formation-là est actuellement à son plus haut. Je pense que ça aurait été vraiment une bonne décision. D'ailleurs, j'ai critiqué un peu Bob Murray là-dessus. Là. J'aurais aimé voir une transaction qui amenait un ailier pour la simple et bonne raison que en ce moment, je pense qu'il manque un ailier dans cette formation-là, un ailier de qualité, bien sûr. Là. Je pense qu'il manquerait quelqu'un pour compléter Getzlaff et Perry. Je pense pas que Nick Ritchie soit la solution. J'ai un petit doute aussi. Je pense pas. c'est un peu ironique de dire ça là, quand tu aimes une formation, mais comme tu le sais, je suis quand même quelqu'un qui voit les choses assez clairement. Mm-hmm. Je pense pas que Nick Ritchie soit la solution. Puis j'aurais aimé Ça, encore une fois, je vais me faire tirer des roches pour ce que je vais dire là, mais je suis convaincu que les Ducks d'Anaheim auraient dû se lancer dans un derby pour acquérir Max Pacioretty. Et je sais que je ne me ferais pas énormément d'amis avec ça, mais je pense que Pacioretty avec Getzlaff aurait fait des petits miracles. Puis je pense que cette formation-là aurait été bâtie pour la Coupe Stanley. Mais actuellement, il manque quelque chose. Il manque des éléments. J'aurais aimé ça voir Bob Murray plus proactif. Je pense qu'il a manqué une occasion. Surtout avec Getzlaff, comme tu le dis. Qui est ben, je me demande jusqu'à quel point, dans le cas précis de Max Pacioretty, c'est les autres DG qui ont manqué de proactivité ou si c'est pas le Canadien de Montréal qui ont soit menotté leur directeur général par rapport à l'échange ou non de Max Pacioretty. Donc, que Marc Bergevin n'avait pas carte blanche pour faire tout ce qu'il voulait. Ou si, par manque justement de proactivité, Marc Bergevin n'a pas pris la peine d'évaluer toutes les options et de voir qu'il y avait des clubs qui pouvaient offrir des affaires vraiment intéressantes pour son joueur. Il y a ces deux penchants-là. Fait que je pense pas que ce soit Bob Murray autant que Marc Bergevin le problème dans cette non-transaction-là, si, bien sûr, les Ducks avaient de l'intérêt. Là. Voilà. Puis, j'ose fréquemment avec des gens qui sont comme moi, là, qui prennent pour les Ducks dans la règle. Ah ouais, t'es pas tout seul! Je ne suis pas seul! Je connais d'autres gens qui prennent pour les Ducks et puis ils ne partageaient pas mon opinion pour ce qui est de Pacioretty, puis j'accepte ça. Je comprends que Max Pacioretty actuellement c'est pas très sexy, mais je pense que ce gars-là aurait amené quelque chose aux Ducks d'Anaheim qui leur manque actuellement, puis j'accepte que les gens soient en désaccord avec moi, mais je pense que Max Pacioretty a encore un 30 à 40 buts dans lui. Je pense qu'il est encore capable de faire ça. Mais c'est ça. Nommez-moi un centre avec le Canadien et je vous nommerai un centre avec les Ducks. Oui, tout à fait. Écoute, pendant qu'on jase de potentiellement Pacioretty avec les Ducks, toi, tu aurais vu quoi comme matière à transaction pour aller chercher un joueur de ce niveau-là? Parce que là, tu me dis pour jouer avec Getzlaff et Perry, ce qui implique donc que c'est pas eux autres que tu échanges pour Pacioretty. J'espère que c'est pas Reichel non plus. Sinon, ça serait. Écoute, tu m'amènes à bâtir un échange assez rapidement. Là, j'avais pas pris nécessairement le temps de m'arrêter. Je pense que t'as pas le choix d'inclure un gars comme Steele dans le lot et un premier choix. C'est ça. Oui. Je pense que Steele, un premier choix avec peut-être un Brandon Montour, bien que ça fasse mal à l'équipe, je pense que ça aurait pu faire du bien. Mais regarde, avec une proposition comme ça, moi je le fais. Être à la place de Montréal, je le fais. Ben c'est ça. Je pense que c'est le genre d'offre que Bob Murray a dû déposer pour la simple et bonne raison que je pense que Jacob Larson actuellement n'est pas heureux dans la Ligue américaine, clairement. Là. Pour avoir vu quelques rapports sur ce gars-là quand même, je pense qu'il n'est pas actuellement à l'endroit où il devrait être. Moi, je pense que Jacob Larson est prêt à jouer dans la Ligue nationale. Tu as aussi un Andy Walensky qui dort dans les filiales, qui monte quelques fois en cas de blessure. Là. Mais je pense que c'est des gars qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale. Rendu là, si tu dois sacrifier un Montour pour mettre la main sur un gars qui est capable de marquer 30 buts dans la Ligue nationale, 30, 35, 40 dans ce coin-là. Fais-le, puis pose-toi pas de questions, mais je pense pas que cette offre-là a été déposée, honnêtement. Mm-hmm. Dans la situation actuelle des Ducks, on a parlé de blessures tantôt, et il y en a encore des joueurs très importants. On parle de Gibson qui est blessé pour une blessure au haut du corps qu'il a subi dans le match contre l'Avalanche Colorado dernièrement. Il y a Cam Fowler qui est blessé aussi. On parle de 2 à 6 semaines. Une blessure à l'épaule, 2 à 6 semaines. Là, on parle de complètement la première ronde au complet. Est-ce que les Ducks peuvent vraiment espérer traverser la première ronde? Je m'attends à ce que ce soit très difficile et je ne fais pas de cachette à personne, même en étant un fan de l'équipe. Je ne me mets pas de lunettes roses. Là. Je pense que les Ducks cette année, ça va sortir en première ronde et puis je me laisse surprendre. Écoute, peut-être cette équipe-là en a plus dans le ventre que ce que je pourrais croire, mais Je pense que, écoute, un gars comme Ryan Kessler, qu'on le sent qui est pas à 100%, ce gars-là est toujours un facteur en série lorsqu'il est là. Je pense que tout le monde a pu le vivre dans cette fameuse série contre les Oilers d'Edmonton. Je pense que Ryan Kessler, quand il est dans son match, est le genre de gars qui peut changer une série de côté. N'en déplaise à ceux qui ne l'aiment pas. Mais je pense que les Ducks d'Anaheim, cette année, ce sera un très court passage en série. Mais je pense que c'est avec fierté qu'ils doivent regarder ça. Parce que ça a été difficile, une saison avec beaucoup de blessures comme ça. Il y a des jeunes joueurs de hockey qui ont montré beaucoup de caractère dans cette formation-là. Puis je pense qu'il faut qu'ils voient ça d'un œil positif. Mm-hmm. Je regardais un petit peu les chiffres des Ducks au courant de la saison, certaines statistiques qui soulèvent des points d'interrogation, entre autres l'efficacité à l'avantage numérique. Actuellement, les Ducks ont 17,3% d'efficacité. On parle du 25e rang, malgré les gros poids lourds là, en attaque, les Getzlaff, les Perry, les Reichel, tout ça, peinent à s'inscrire à la marque. Ton analyse par rapport à ça, ça serait quoi? Ça vient de où le problème? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler? Parce qu'en série, tu n'as pas le choix. Là. Ça prend tes unités spéciales qui performent. Je pense que tu as tout à fait raison là, pour ce qui est des unités spéciales en série. Par contre, c'est pas ton avantage numérique qui va te faire gagner la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, c'est à 5 contre 5 que ça se joue parce qu'à un certain moment, les arbitres vont arrêter d'appeler certaines pénalités. Puis, il faut que tu sois capable de composer avec ça. Je pense qu'à 5 contre 5, les Ducks ont démontré de belles choses, mais j'aurais aimé, comme toi, je pense en voir plus au niveau de l'avantage numérique, surtout avec ce qu'ils ont comme arme. Là-dessus, je te dirais même que parfois, Randy Carlyle peut être un peu choquant pour un fan des Ducks parce que je pense pas qu'il envoie toujours les meilleurs éléments. Un gars comme Katcha, qui est super productif, je pense qu'il voit trop peu de temps en avantage numérique. C'est un gars extrêmement, avec un lancer extrêmement surprenant. C'est un gars avec qui est capable de faire des choses sur la patinoire que d'autres jeunes hommes penseront même pas de faire parce que je pense justement que les Ducks sont peut-être un peu trop conservateurs au niveau de l'avantage numérique, c'est-à-dire que la bonne vieille stratégie de mettre un homme devant le gardien, c'est ça qui prime. Puis je pense que ça n'a pas fonctionné cette année, puis qu'il faudrait revoir ça complètement. Il y a eu une grosse transaction vraiment dans la saison des Ducks cette année. On parle de Sami Vatanen contre Adam Henrik. T'en penses quoi de cette transaction-là? Est-ce que moi, j'ai l'impression que c'est assez similaire en termes de performance les deux, là, des positions complètement différentes, mais qu'il n'y a pas, à proprement dit, de gagnant. Mais est-ce que c'était vraiment le besoin, un bon besoin qui était comblé? Tu échanges ton surplus pour aller chercher ce que tu as de besoin. Est-ce que Henrik fait la job pour venir combler le manque en tant que joueur de centre maintenant pour les Ducks? Moi, ça a été clairement juste ça. C'est-à-dire c'était vraiment une transaction de besoin. Mm-hmm. Dans le sens où je pense qu'à l'époque où ils sont allés chercher Adam Henrik, corrige-moi si je me trompe, je pense que Ryan Getzlaff était toujours blessé sur la touche. Puis je pense que c'était la même chose pour Ryan Kessler. Puis on avait besoin de quelqu'un rapidement au centre parce que la saison allait pas super bien à ce moment-là, mais elle allait pas encore non plus trop mal. Et je pense que c'était à ce moment-là que Bob Murray a choisi de faire, je pense, une transaction judicieuse, là, parce que je pense que Adam Henrik allait, dans le temps où Getzlaff et Kessler n'étaient pas présents, il a fait une super job. Je pense qu'il fait encore une super job, mais il a perdu du temps de glace, puis je pense que Vatanen je pense que Vatanen est un meilleur joueur, mais je pense pas que c'est un défenseur de première paire. Puis je pense que justement c'est à ce niveau-là que Bob Murray a fait la bonne transaction. Mm-hmm. Ben, tu sais, tu dis, c'est pas un défenseur de première paire, mais oscille toujours entre 22-24 minutes par match, même des pointes à 27 parfois avec les Devils. C'est pas un défenseur de première paire, ben, je le prendrais quand même dans mon club, là. Ouais, ça va. C'est des chiffres qui vont quand même avec une équipe qui manque peut-être qui manque peut-être de défenseurs, là. Je veux dire, Vatanen, pour eux, c'était la mine d'or parce que il n'y avait absolument rien d'intéressant à se mettre sous la dent à droite. Mm-hmm. Puis c'était excellent pour les Devils, cette transaction-là. Je ne vais jamais douter de la transaction qu'ils ont fait. Je pense des deux côtés, on a fait une bonne transaction au bon moment. Puis je pense pas plus que Sami Vatanen, dans une formation de qualité, devrait se retrouver à droite d'une première paire. Ça, j'y crois pas. Absolument pas, même. Mm-hmm. Écoute, je vite de même, là, puis j'ai pas vérifié. Là, est-ce qu'on sait contre qui les Ducks vont être opposés en première ronde? Écoute, si je me trompe pas, j'ai lu aujourd'hui qu'on pouvait encore avoir l'avantage de la glace du côté des Ducks. Okay. Donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment dépendre de ce qui va se passer, de qui va gagner ses matchs et tout ça. Là. Mm-hmm. Je pense que les Ducks et les Kings de Los Angeles se disputent actuellement à la deuxième place dans la Pacifique. Et ça, je te permets de me corriger si je me trompe. J'ai pas eu, malheureusement pas eu le temps de vérifier. Oui, ben en fait, Los Angeles a 96 points. Les Ducks 97, fait que les Ducks pourraient se ramasser à être un wild card au lieu d'être le troisième rang de la Pacifique. Moi, là, pour vrai, là, l'affaire des wild cards, je comprends là, le principe, là, mais maudit que c'est pas clair. Ouais. Contre qui tu vas te prendre en playoff? Là. Les wild cards, ils se prennent contre les premiers des divisions, ouais, ou ils se prennent contre... Tu sais, c'est pas clair. Là, les wild cards, ça prennent contre les premiers de chaque division. Puis après ça, le deuxième de chaque division s'affronte ou il affronte le troisième de la division? Le deuxième affronte le troisième de chaque, okay, division. Parce que, tabarouette, ouais, tu sais, ça aurait pu être 2 versus 2 de l'autre division, là, mais OK. Fait que, dans le fond... Je vais t'avouer de ne pas être un fan non plus de cette nouvelle-là. Oui, écoute, le voyagement en plus dans la Ligue nationale, là, on s'entend que c'est pas le même impact, le gars. Ils prennent les avions, là. Ouais, là où je te disais qu'Anaheim peuvent encore avoir l'avantage de la glace, là, je suis en train de vérifier, là, c'est qu'ils peuvent encore dépasser... San Jose, ouais. San Jose. Puis c'est là qu'ils auraient l'avantage de la glace. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. En jouant contre le troisième, qui serait à ce moment-là probablement San Jose ou Los Angeles. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a encore beaucoup de choses à jouer. Ouais, c'est ça. Même s'il reste juste deux matchs, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à jouer là, pour les Ducks. Tout le monde a un petit X sur le classement, mais c'est pas. Je vais me permettre de souligner pendant que j'y suis que les Ducks sont 8 victoires, une défaite et une en prolongation à leurs 10 derniers. Bon, bon, bon. C'est ce qu'on appelle rentrer en série fort. Ouais, non, c'est ça, c'est une bonne c'est une bonne strike. Mais Winnipeg est 9-1-0 dans les 10 derniers, fait que c'est encore mieux. Ben d'ailleurs, tu me demanderais aujourd'hui qui sont mes favoris là, pour remporter la Coupe Stanley. Puis j'hésiterais longuement entre Nashville et Winnipeg. Puis j'irai probablement pour Winnipeg parce qu'ils vont entrer en série très fort. Probablement la plus belle game que j'ai vue cette année, là, l'affrontement la semaine passée entre Nashville et Winnipeg. Là, wow! Voilà. Pour vrai, là, wow! C'était, hockey. Ah, ouais. Ouais, c'était beau à voir. Écoute, la semaine, ben, lors du dernier show, on parlait avec Vandal pour ses Jets. Et je demandais, oui, là, qu'est-ce qu'il espérait pour les playoffs. Puis lui, il m'a dit, ben, si on peut avoir une victoire en série, ça va être bon. Je suis comme, ouais, tes standards sont pas pire bas. Mais tu sais, en même temps, c'est l'historique du club depuis qu'il est de retour avec, ouais, avec Winnipeg. Toi, de ton côté, tu peux pas me dire juste une victoire. Qu'est-ce que tu espères de la part des Ducks en playoffs cette année? Je pense qu'ils sont en mesure de passer la première ronde. Mais pour que ça se fasse, il va falloir qu'il y ait des planètes qui s'alignent à quelque part. Mm-hmm. Je veux dire, qu'on prenne un gars comme Kessler qui sous-performe actuellement, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il faudrait retrouver le Kessler des bons temps, celui-là qui est allé nous chercher des matchs l'année passée en rentrant carrément dans la tête des adversaires. Mm-hmm. je pense que ça va prendre ce genre de miracle-là. Ouais. Puis, c'est plate à dire quand tu traites beaucoup sur une équipe, là, mais je pense pas que les Ducks vont gagner la Coupe Stanley. J'y crois pas. Par contre, je pense que les éléments sont là, mais il va falloir que tous ces éléments-là, malheureusement, demeurent en santé, là, parce que là, il y a eu trop de blessures. Tu peux pas espérer créer une cohésion puis t'en aller jusqu'au bout de tout ça, du tournoi printanier, avec la victoire quand tu as autant de blessés, c'est impossible. Ouais. Puis, tu sais, on parlait de classement et de l'avantage de la glace. Pour avoir des séries peut-être plus faciles, ce serait peut-être une meilleure idée pour les Ducks de tomber en wildcard et d'affronter Vegas, qui n'ont pas d'expérience en playoff. Fait que, moi, j'y crois beaucoup à Anaheim contre Vegas. Moi, je pense pas que les Golden Knights vont poursuivre. Là. C'est super beau leur histoire. Je suis vraiment, vraiment le genre de personne qui se laisse qui se laisse embarquer dans ce genre d'histoire-là. Là. Mais je pense pas que Vegas non, c'est ça. Fait que la première wild card qui va affronter, dans le fond, si je comprends bien, le premier division avec le moins de points, donc ce qui veut dire Vegas. Donc si les Ducks descendent là, ça fait un affrontement Vegas en Inde. Je pense que à ce moment-là, c'est probablement l'affrontement le plus facile parce que sinon ils affrontent San Jose puis à moins d'une c'est surprise. San Jose ou Los Angeles. Ouais, à moins d'une surprise, ça va être Los Angeles là. Ça va être San Jose, je veux dire. Mais tu sais, San Jose en Inde, je prends San Jose, mais en Inde contre Vegas, ben, je mets plus de probabilité qu'un Anaheim est capable de passer. Fait que. Puis pour que ça arrive, il faut que tu tombes en wildcard. Bon. Voilà. De toute façon, J'aimerais mieux Vegas. Ouais. Tu parles aujourd'hui, là, j'aimerais beaucoup mieux affronter Vegas qui n'est pas tout à fait prêt, peut-être à la robustesse que les Ducks sont capables de déployer, là, je pense, en série. Là. En série, c'est une équipe qui a fait ses preuves quand même dans le jeu physique. N'en déplaise aux fans des Oilers qui nous écoutent. Mm-hmm. Sont-ils encore là? Je voulais juste m'assurer de votre présence. Bonjour. Ceux qui se sont inventés une passion soudaine pour les Oilers. C'est à vous que je parle. Les Ducks seront encore en série, ne vous en déplaise. Ouais, mais en même temps, c'est que là, tu le dis un peu de façon narquoise, tu taquines les gens, ouais. Mais oui, vraiment. Le monde qui a embarqué dans le bandwagon des pingouins, c'est juste parce que ça fait plus longtemps, mais c'était le même principe. Hein. Quand Crosby est débarqué, oups, là, t'as vu des chandails se vendre, puis du monde aimait Pittsburgh tout d'un coup. Là. Qui était pas là avant. Je partage totalement ton opinion là-dessus et c'est pourquoi je ne suis pas un fan des Penguins de Pittsburgh. J'ai rien d'autre que du respect pour Sidney Crosby, mais c'est ça. Ouais. Écoute, Marc, ça va être ça pour le show sur les Ducks. Merci pour ta participation. Tu as été très éloquent sur ton amour pour ton club et je salue ta lucidité. Ben, je te remercie beaucoup. Écoute, ça a été vraiment un plaisir de jaser sur la POC. Puis si jamais l'occasion se représente, là, ça me fait plaisir. T'es déjà invité pour l'an prochain. T'es averti. Suffit de trouver une date qui convient puis un moment qui est propice, mais on va s'en rejaser. Excellent. Pour les auditeurs de la POC, je vous remercie d'avoir été du rendez-vous. Vous pouvez nous suivre autant sur Twitter que sur Facebook. Joignez-vous à nous et à notre superbe communauté et venez jaser de hockey de manière intelligente et différente. Et moi, personnellement, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @gangj_b et sur Facebook, je vais gagner. Il suffit de me mentionner que c'est via mes différents shows que vous m'ajoutez et ça me ferait un plaisir de venir discuter avec vous de notre passion commune qu'est le hockey. Voilà qui fait le tour pour le show. Je vous remercie d'avoir été du rendez-vous. Et merci encore, Marc, pour ton passage. Et je vous dis à tout le monde à la prochaine pour un autre épisode qui sera certainement un bilan de la fin de saison du Canadien de Montréal. Bye bye tout le monde! J'ai fait trois fois le tour du monde cette nuit. j'avais le choix entre Perry pis Stamkos. J'ai pas pris Ovechkin dans mon pot. J'aurais dû prendre Ovechkin. La Carlos, mon chum me laisse une bienne sur l'épaule. T'as pas pris un Ovechkin dans ton pot. J'aurais dû te prendre un Ovechkin. Plus d'argent, j'ai pas pris le risque dans mon.